a appelé la bande Abadère, comme on disait autrefois, la bande Abono, une organisation terroriste allemande d'extrême gauche qui a été active pendant 30 ans, outre-Rhin. C'est en effet seulement en 1998 que les héritiers de Bader ont annoncé la cessation de leurs activités criminelles. Et en 2004 encore, une ex-terroriste a été condamnée à 12 ans de réclusion. Une longévité exceptionnelle pour cette fraction armée rouge, Rote Armee Fraktion en allemand. L'organisation est née des révoltes étudiantes de la fin des années 60 et elle a fait ensuite école dans d'autres pays européens, en Italie, aux Pays-Bas et en France avec Action Directe. Mais plus profondément, nous allons le voir avec M. X, elle plonge ses racines dans le passé allemand sur fond de guerre froide. À noter que le creuset 68-art, qui a donné naissance à ce terrorisme extrêmement violent, responsable d'attentats très meurtriers, a aussi permis l'émergence d'une nouvelle génération politique qui se trouve aujourd'hui au pouvoir et a rejoint la social-démocratie ou créé le Parti des Verts. Et parmi eux, Joschka Fischer, le ministre des Affaires étrangères, Otto Schily, le ministre de l'Intérieur, et même le chancelier Gerhard Schröder, qui a été l'ardent défenseur d'un avocat convaincu de complicité avec les terroristes. Autant de personnages qui ont fait partie de ce qu'on appelait à l'époque l'opposition extra-parlementaire et qui parfois n'ont pas hésité à faire le coup de poing dans la rue. Alors, la page est-elle tournée ? Sans doute. Mais de nombreux points restent à élucider dans cette sanglante histoire. Le rôle de la RDA, les liens avec le terrorisme palestinien ou encore la mort des premiers leaders de la fraction armée rouge retrouvés officiellement suicidés dans leur prison. Qu'on est entré là sans avoir vu de la lumière. Il y a là le feu, le computer, Vivendi et la terre. On doit pouvoir s'épanouir, tout envoyer enfin en l'air. Espérer entrer un jour dans la famille, sûr que tu pourras devenir un crack boursier à toi tout seul. On pourrait même envisager que tout nous explose à la gueule. Autour des oliviers palpitent les origines, infiniment se voir rouler dans la farine à l'envers. Amandiers fleurissent les mondes en sourdine, nos passaranes sous les fourches codines. À l'envers. France Inter, rendez-vous avec X. En Allemagne, 1968 commence avant 1968. Qu'est-ce que vous voulez dire par là? C'est dès 1967 qu'on voit se lever le vent de la contestation dans certains cercles étudiants allemands. Essentiellement contre ce qu'ils appellent l'impérialisme américain. Ouais. On est à l'heure, oui, c'est vrai, en pleine guerre du Vietnam. Hein. Ouais, c'est juste, ouais. Enfin, il n'y a pas que ça. Cette génération qui a alors une vingtaine d'années et qui est donc née après la Seconde Guerre mondiale découvre soudain la réalité du nazisme. C'est un point très important sur lequel je me propose de revenir. L'acte fondateur, si je puis dire, a lieu le 2 juin 1967. Mais que se passe-t-il là? Ce jour-là, les contestataires organisent une manifestation contre la venue du Shah d'Iran, RFA. La police allemande repousse avec violence les manifestants. Un policier tire à balles réelles et tue un étudiant, Benno Onsorg. C'est cet événement qui va mettre le feu aux poudres et radicaliser la contestation. Il se créera d'ailleurs ensuite un mouvement du 2 juin qui rassemblera surtout les anarchistes. Mmh. Il existe alors d'autres organisations contestataires? Oui, toujours en 1967, on assiste à la naissance de nombreux corpuscules, en particulier les cellules révolutionnaires. Une organisation d'extrême gauche anti-américaine et anti-sioniste. C'est ce groupe qui nouera en premier lieu des liens avec les Palestiniens. C'est aussi au sein de cette mouvance que se lèveront les futurs chefs de la fraction Armée Rouge. Il faut enfin signaler une organisation d'étudiants socialistes dirigée par un chef très charismatique, Rudi Tutschke. Rudi le Rouge. C'est ça. En 1968, victime d'un attentat, il sera grièvement blessé, ce qui déclenchera de violentes manifestations. Et tout cela survient alors que le NPD, le parti néo-nazi, remporte des succès électoraux en RFA. Il faudrait encore ajouter que le groupe de presse d'Alex Springer et surtout le quotidien populaire Bild mène une campagne haineuse contre les contestataires. L'écrivain romancier Heinrich Böll l'a raconté à sa façon dans son célèbre roman L'honneur perdu de Katharina Blum. Très beau roman, hein? En effet, oui. Enfin, quoi qu'il en soit, ceux qui vont être les chefs de la bande à Bader se manifestent pour la première fois en 1968, en avril, je crois. Mais que font-ils là? Ils incendient 2 magasins de Francfort. La lutte contre la société de consommation. Exactement. Et en cela, ils sont fidèles à la pensée de leur gourou, Herbert Marcuse, qui vient de dénoncer la société d'abondance coupable d'anesthésier l'individu. Bon, je simplifie, bien sûr. Mais il faut tenir compte du romantisme révolutionnaire qui inspire alors tant d'étudiants dans le monde. Alors, revenons quand même à Francfort. Qui sont les incendiaires? Il y a bien sûr Andreas Bader, j'imagine. Et il a agi avec 2 autres militants et surtout sa compagne, une certaine Gudrun Neslin. Il faut le dire tout de suite, la fraction Armée Rouge recrutera beaucoup parmi le sexe prétendument faible. Alors, vous me demandez qui ils sont? Tous deux. Ce sera aussi le cas d'autres militants révolutionnaires de leur groupe. Sont issus de familles de la gauche intellectuelle, universitaire, profession libérale. Des enfants gâtés, quoi. Certainement. Et qui vont se révolter en adoptant des idées extrémistes. Mais c'est classique. Plus précisément, Gudrun, fille d'un pasteur anti-nazi, est une jolie fille très brillante. D'abord socialiste, elle ne tarde pas à rompre avec le parti de Willy Brandt. Quant à Bader, dont le père historien a été tué sur le front de l'Est pendant la Seconde Guerre mondiale, c'est d'abord un jeune fêtard avant de basculer soudain dans le militantisme le plus radical. Et de devenir chef de gang. Oui. Andrea Bader exerce une grande influence sur ses proches. C'est un playboy. Un beau gosse, beau parleur aussi, et qui fascine les femmes. Et c'est donc le compagnon de Gudrun Neslin. Hein. Oui, ces deux-là vont vivre une vraie histoire d'amour. Ah, ouais. À tel point que lorsque Bader sera interpellé, Gudrun fera tout pour se faire arrêter elle-même. Pourquoi? Pour le rejoindre en prison? Effectivement. Une parenthèse, et qui confirme que le meurtre en 1967 de l'étudiant Onsorg a joué un grand rôle dans le basculement de l'extrême gauche dans la violence. Voici ce que déclare Gudrun Neslin à l'époque. Ils nous tueront tous. Vous savez à quel salaud nous avons affaire? C'est la génération d'Auschwitz que nous avons en face de nous. On ne peut pas discuter avec les gens qui ont fait Auschwitz. Ils ont des armes et nous n'en avons pas. Nous devons nous armer. Mais il faut encore vous parler d'une autre femme qui va jouer un grand rôle dans la genèse de la fraction Armée Rouge. Je vois, Ulrike Meinhof, hein, c'est ça? Elle-même, oui. Meinhof, c'est l'idéologue de la contestation, sa théoricienne, si vous voulez. Elle est aussi issue d'une famille chrétienne de gauche. Ulrike est d'abord journaliste. C'est une polémiste redoutable et passionnée, toujours prompte à dénoncer les injustices, toutes les injustices. Au reste, cette militante de gauche est mariée et elle a deux filles. Deux enfants qu'elle abandonnera lorsqu'elle entrera dans la clandestinité. C'est quand même étonnant, ça. Oui, mais cette jeune femme à la mode, très introduite dans les cercles intellectuels et qui menait une existence confortable, rompra d'un seul coup avec sa vie passée afin de mettre en accord ses idées et son action. Et plus tard, beaucoup plus tard, son ex-mari, ancien porte-parole des étudiants de gauche, virera à l'extrême droite, tandis qu'une de ses filles sera l'une des principales accusatrices de Joschka Fischer. Ouais. Quand il sera reproché au ministre des Affaires étrangères allemand d'avoir été un manifestant violent. Ouais, on publiera même des photos du futur ministre lançant des pierres sur la police. Tout ça est bien sûr anecdotique. Il n'empêche que le témoignage de cette fille prouve bien qu'elle a été profondément marquée par l'abandon de sa mère. Mais si vous le voulez, reprenons le fil de l'histoire. D'accord. Vous en étiez au premier acte terroriste de la bande, hein, ce double incendie de Francfort. Oui. Une action perpétrée pour protester contre l'indifférence devant les bombardements américains au Vietnam. Bader et Enslin sont encore de piètres clandestins, car ils se font arrêter quelques jours plus tard. Pourquoi ? Bah écoutez, je ne connais pas tous les détails, mais enfin je crois qu'ils ont été pris parce qu'ils avaient agi à visage découvert. Jugés, ils sont condamnés à 3 ans de prison. Et c'est dans leur cellule qu'ils font la connaissance d'Ulrike Meinhof. Comment ? Ben, la journaliste a été invitée par un de leurs avocats à leur rendre visite. Et manifestement, elle est impressionnée par le couple. Bon, la suite le prouve. Ouais, c'est-à-dire ? Bader et Enslin sont libérés en attendant leur jugement en appel. Immédiatement, le couple, à peu près certain de retourner en prison, décide de disparaître. Mais quelques semaines plus tard, Bader est repris par la police. Décidément, oui. Aussitôt, Ulrike Meinhof décide de l'aider à s'évader. Attendez, est-ce que cette journaliste a une expérience de l'action ? Aucune, non. Elle a toujours été pacifiste et, paraît-il, a horreur des armes à feu. Et c'est pourtant la même femme qui va faire évader Bader, arme au poing. Ça, c'est incroyable, quand même. Je vous l'accorde. Hein. Alors, comment ça se passe ? En prison, Bader a reçu une lettre d'un éditeur fictif, lui commandant un essai de sociologie. L'administration pénitentiaire l'autorise à faire des recherches en bibliothèque. Sous surveillance. Naturellement. Mmh. 3 gardiens sont chargés de sa personne. Et un jour de 1970, alors que Bader se trouve à l'Institut de sociologie de Berlin, Meinhof et 3 autres militants passent à l'attaque. Armés, ils tirent sur les gardiens. 2 sont blessés et un bibliothécaire est gravement touché. Et Bader parvient à s'enfuir. Oui, mais avec la journaliste, il saute par une fenêtre et disparaît. Désormais, Ulrike Meinhof ne peut plus reculer. Elle est devenue clandestine. Et au fond, c'est la vraie naissance de la fraction Armée Rouge. D'ailleurs, la journaliste écrira elle-même dans une feuille anarchiste « C'est l'heure de la résistance armée. Aidez-nous à lever l'armée rouge. » L'armée rouge, en référence à l'armée soviétique ? Non, je crois plutôt que la bande à Bader a choisi ce sigle phare, fraction armée rouge, en pensant aux gauchistes japonais qui avaient déjà créé une armée rouge responsable d'un détournement d'avion en Corée. Mmh. Les militants de la FAR, vont donc se lancer dans l'action violente et armée. La guérilla urbaine, assurément, comme en Amérique du Sud. Car leurs maîtres et idoles sont les Tupamaros uruguayens ou encore le révolutionnaire brésilien Carlos Marighella. Mais en attendant d'en venir là, ils doivent s'aguerrir. Et bientôt, sous de faux noms, ils s'envolent pour le Proche-Orient, 15 jours à peine après l'évasion de Bader. Musst du rangehen. Hin, hin, hin, hin, an des Tages gut, dass alles France Inter, Patrick Pénaud, rendez-vous avec X. Si Ulrike Meinhof bascule d'un seul coup dans la clandestinité, il n'empêche que sa maturation idéologique a été progressive. Ainsi, voici ce qu'écrit en 1975 un essayiste, Melvin Lasky, qui établit d'abord une comparaison avec une autre terroriste, la fille du célèbre empereur de la presse américain, William Randolph Hearst. Patty Hearst apprit à se servir de son pistolet automatique en 90 jours, mais en Californie, tout va vite, et là-bas, il suffit d'une nuit pour apprendre les principes essentiels de la révolution marxiste-maoïste. Ulrike, elle, dut d'abord s'assurer qu'Hegel était bien de son côté, et pour ce faire, elle pratiqua l'exégèse des écrits d'Herbert Marcuse. Elle avait besoin d'être sûre que le défunt capitalisme, avec toutes ses contradictions impérialistes, en était bien au dernier stade de son agonie. Et elle prit le temps de lire les pages financières consacrées aux exportations, aux importations et aux mouvements de capitaux pour se convaincre elle-même que la fin était proche. Elle voulait s'assurer que la classe laborieuse, avec ses responsables syndicaux réformistes, constituait effectivement un potentiel gâché et qu'en conséquence, les quelques individus qui avaient encore la foi devaient se soulever et agir eux-mêmes, mais au nom des masses opprimées et abusées, assoiffées d'authentique liberté. Alors, ce voyage au Proche-Orient. Les membres de la bande, donc Gudrun, Eslin, Ulrike Meinhof, Andreas Bader, plus quelques autres, vont en Jordanie, dans un camp d'entraînement du Fatah. Fatah, c'est l'organisation palestinienne de Yasser Arafat, mais, enfin, dites-moi, une affaire pareille, ça ne s'improvise pas. Ah, vous avez raison. Ça signifie que la fraction armée rouge a, depuis un certain temps, déjà pris des contacts avec les Palestiniens. Par quel intermédiaire, là ? Bon, tout, exactement, je ne sais pas. Mais enfin, j'ai ma petite idée, quand même. Écoute, alors. D'abord, il existait des connivences idéologiques entre ces gauchistes allemands, très antisionistes, et les Palestiniens. Il était donc presque normal qu'ils se rencontrent un jour. Mais je suis à peu près sûr que le contact a été établi dans un pays de l'Est, la Tchécoslovaquie, très certainement. Donc, avec l'approbation de Moscou ? Ça, j'en suis persuadé. Notez-le bien, les membres de la bande à Bader ont pris l'avion à Berlin-Est. C'est une preuve de plus, ça. Donc, en Jordanie, qu'est-ce qu'ils vont faire ? Ils apprennent la technique de la guérilla ? Oui, maniement d'armes et d'explosifs, mais enfin, ça se passe pas trop bien. Pourquoi, là ? Sur le plan des mœurs du mode de vie, les jeunes Allemands sont à des années-lumière des fédéines. Et au bout de 3 semaines, ils quittent le camp. C'est peu pour un entraînement. Certes. Enfin, ils en ont appris assez pour causer de vraies difficultés au gouvernement de l'Allemagne fédérale. Dès leur retour, dans la seule année 1970, on va enregistrer plus de 80 explosions et incendies criminels. Suivront ensuite des assassinats. Mais quelles sont les cibles, alors ? La police, la justice et les bases militaires américaines. Plus tard, la fraction armée rouge s'attaquera aussi aux gros industriels. Tout ça, enfin, ça demande des moyens, de l'argent. Et c'est pourquoi la bande à Bader procède aussi à des hold-up dans les banques, des opérations de dépossession, comme ils disent. Non, mais les anarchistes du début du siècle dernier disaient, eux, réappropriation. Hein. Oui, enfin, c'est pareil. Ouais. Grâce à cet argent, les membres de la bande peuvent donc acheter des armes, des détonateurs, des explosifs. Ouais, où ? Je pense là encore qu'il faut regarder à l'Est. En Tchécoslovaquie, on a toujours fabriqué d'excellentes armes et même des explosifs de très bonne qualité. Ouais, si on peut dire. Enfin, fondamentalement, quel est l'objectif recherché ? Écoutez, je vais vous épargner le verbiage propre à ce genre d'organisation gauchiste. Bon, sachez, pour simplifier, que la fraction armée rouge, en s'attaquant aux structures de la société allemande et aux multinationales, entend promouvoir les conditions révolutionnaires qui permettront la victoire des masses. C'est une illusion. Bien entendu. Mais ces militants d'extrême gauche pensent vraiment qu'ils vont obliger le pouvoir à répliquer par de véritables opérations militaires. Conséquence, les masses, comme ils disent, finiront par se révolter contre l'armée et la police. Ouais, une nouvelle illusion. Je suis d'accord avec vous, car le fossé ira en grandissant entre l'opinion publique allemande et les terroristes. Alors, justement, comment réagissent les autorités fédérales ? Au début, elles hésitent à recourir à des méthodes répressives drastiques. Pour quelle raison ? Le passé. La Seconde Guerre mondiale n'est finie que depuis un quart de siècle, et le gouvernement veut éviter tout ce qui pourrait rappeler la Gestapo. C'est d'autant plus évident que la fraction armée rouge et les militants d'extrême gauche qui naviguent dans son orbite attaquent justement le pouvoir sur ce sujet. Ah mais alors, c'est pourquoi vous me disiez que ce mouvement avait ses racines, au fond, dans le passé. Oui, oui, alors voyons ça d'un petit peu plus près, si vous voulez bien. Ces jeunes gens qui, pour la plupart, n'ont pas connu la guerre, prennent soudain conscience que la dénazification a été imparfaite. Pire, ils découvrent que d'anciens nazis ont été, par exemple, réintégrés dans la fonction publique, ou ont réussi à grimper dans les plus hauts cercles du pouvoir, ou encore que des industriels qui ont travaillé pour le Troisième Reich ont récupéré sans aucune difficulté leurs biens. Et c'est une raison supplémentaire pour eux, enfin, de se révolter contre la société allemande. Bah, évidemment. Et ils commencent aussi à s'intéresser à ce qu'ont fait leurs pères sous le régime nazi. Pour certains, c'est un véritable choc quand ils apprennent que leur géniteur a été un SS. Et on verra des étudiants contestataires défiler dans les rues en clamant « Nous sommes les Juifs d'aujourd'hui ». Ouais. Parce qu'ils considèrent que la lutte contre la contestation a remplacé l'antisémitisme passé. Ouais, exactement. Alors, vous comprenez mieux peut-être maintenant la prudente attitude des autorités allemandes, au moins dans un premier temps. Parce que ça va changer. Bah oui, et c'était presque inévitable, tant la bande à Bader multipliait les provocations. Et pour le pouvoir, plus profondément, il y avait cette idée sous-jacente. Si la République de Weimar, juste après la fin de la Première Guerre mondiale, avait lutté plus fermement contre les nazis, Hitler ne serait peut-être pas parvenu à s'emparer du pouvoir. Alors, on fait donc le parallèle entre l'action des nazis et la subversion d'extrême-gauche. Incontestablement. Ça va même assez loin, car les révolutionnaires eux-mêmes, volontairement ou pas, emploient quelques-unes des méthodes de l'extrême-droite des années 20 et 30. Par exemple ? Eh bien, comme les nazis traitaient leurs victimes juives de cochons, eux aussi utilisent le même terme pour désigner leurs cibles, industriels, policiers ou juges. Ouais, une comparaison inquiétante. Oui, comme si la violence extrême finissait toujours de la même façon. Bon, pour atténuer mon propos, il me faut aussi dire que la presse Springer, ou même certains magistrats et politiciens, ne cesseront de traîner dans la boue Bader et les siens. Et la façon dont on les a traités lorsqu'ils ont été arrêtés n'honore pas la justice allemande, enfin c'est le moins qu'on puisse dire. Et on ne pourra pas s'empêcher de faire la comparaison avec la mansuétude dont ont bénéficié beaucoup de criminels de guerre. Mmh. Alors, leur arrestation, puisque vous en parlez là. Attendez, n'allons pas trop vite. Alors même qu'en 1971, après avoir recruté, formé des militants et assuré sa logistique, la fraction armée rouge décide de s'attaquer à ce qu'elle appelle l'appareil de répression. Les autorités germaniques s'organisent et centralisent la lutte contre les terroristes. Parce que ce n'était pas le cas jusque-là. Eh non, chaque région ou Länder possédait alors son propre service de police. En même temps, de nouvelles lois sur les arrestations, les perquisitions, permettent à la police d'être plus efficace en matière de lutte antiterroriste. Mais des lois qui portent atteinte aux libertés individuelles ? Qui les réduisent sensiblement, en tout cas. Les moyens de surveillance de la jeunesse étudiante sont accrus dans des proportions considérables. Et puis ça ira à crescendo. En 1976, par exemple, le Bundestag votera une modification du code pénal qui élargit le champ des interdits et réduit les droits de la défense. Modification qui, je m'empresse de le dire, sera ensuite abandonnée quelques années plus tard. La RFA devient-elle pour autant un État policier ? Bon, en tout cas, un État où la population est très surveillée. Et justement, cette population réagit comment ? Ben, plutôt favorablement, ce qui signifie l'échec politique de la guérilla urbaine. Alors, maintenant, vous pourrez peut-être accepter de me parler de l'arrestation des chefs de la fraction armée rouge ? En mai 1972, la bande à Bader redouble d'activité. 15 bombes en 15 jours. Deux visent les militaires états-uniens. Et il y a des morts. Des services de police sont également frappés. Et l'une de ces bombes pulvérise la voiture d'un juge. Son épouse est grièvement blessée. C'est à la suite de ces attentats que Bader et deux de ses acolytes sont capturés après un violent échange de coups de feu. Et les filles, alors ? 5 jours plus tard, Gudrun Eslin se trouve dans un magasin. Une vendeuse remarque le revolver de gros calibre rangé dans son sac. Elle appelle la police. Imprudence ou voulait-elle encore se faire arrêter pour rejoindre Bader en prison ? La deuxième explication me semble bonne. Ah bon ? Et Ulrike Meinhof alors ? Elle est prise peu après. Mais elle a été victime d'une trahison. Qui ? Un des membres de la bande. Un intellectuel qui s'est rendu compte que cette violence ne menait à rien. Et avec Meinhof, alors c'est la dernière des chefs historiques qui tombe. Oui, mais ce n'est nullement la fin de la fraction armée rouge. Yeah Patrick Pénaud, rendez-vous avec X. En 1971, Ulrike Meinhof définit le sens de sa lutte. Jacques Kaufmann résume ce texte dans son ouvrage paru en 1977, L'International terroriste. J'en extrais ces quelques lignes. Si l'on ne construit pas l'armée rouge, les ports pourront tout faire. Ils pourront continuer à incarcérer, à licencier, à intimider, à tirer, à dominer. Pourquoi construire l'armée rouge? Pour ne pas se laisser tuer comme à l'abattoir, pour que les ports ne puissent pas faire ce qu'ils veulent, mais ce que nous voulons. Ce qu'il faut, explique encore Ulrike Meinhof, c'est exacerber les conflits, mettre à nu les forces en présence. Qu'en est-il par exemple d'un conflit entre parents et enfants? Une analyse politique incorrecte peut laisser croire qu'il s'agit seulement d'un conflit familial qui ne débouche pas sur la société et ses rapports de force. Le groupe Bader-Meinhof répond, derrière les parents, il y a les professeurs, ceux qui s'occupent de la jeunesse au sein du gouvernement, et derrière tout cela, la police. Un conflit avec l'autorité familiale est donc, en dernière analyse, un conflit avec les forces répressives de la société. Autre exemple, un conflit qui opposerait un locataire à son syndic. Derrière le syndic, explique Ulrike, il y a le propriétaire de la maison, l'huissier, l'expulsion, la police. Les chefs historiques de la fraction Armée Rouge sont donc emprisonnés, et avec eux des dizaines de militants. Ça n'empêche pas Bader et les autres de continuer à diriger la lutte. Toutefois, avant de voir plus précisément ce point, un mot sur les conditions de détention des membres de la bande. Oui, l'isolement. Hein. Ce que d'aucuns ont pu nommer la torture par l'isolement. Les prisonniers sont enfermés, seuls, dans des cellules peintes en blanc et insonorisées où la lumière demeure allumée en permanence. Un régime excessivement dur qui, à terme, risque d'altérer le psychisme des détenus et même leur santé. Et ce régime suscitera de nombreuses protestations. Hein. Dans le monde entier, en effet. Et peut-être vous souvenez-vous de la visite que Sartre a fait aux prisonniers de la bande à Bader. À sa sortie, le philosophe donnera une conférence de presse où il a accusé les autorités allemandes de vouloir les rendre fous et même de les faire mourir. Une visite vivement critiquée en Allemagne. C'est juste. Ouais. Pour l'opinion allemande, ces prisonniers étaient généralement considérés comme des chiens enragés qui ne méritaient nulle pitié. Car je vous l'ai dit, leur arrestation n'a pas donné un coup d'arrêt à la violence. Et il semble bien que de leur cellule, Bader et les siens continuent d'animer ces actions terroristes. Malgré leur isolement. Oui, on ne peut pas empêcher leurs avocats de leur rendre visite. Et c'est par l'intermédiaire de ces avocats de la défense, idéologiquement proches de leurs clients, que Bader peut faire passer à l'extérieur ses consignes. Toujours grâce à ces mêmes avocats, il peut aussi communiquer avec ses camarades emprisonnés. C'est par ce moyen que les chefs historiques de la bande pourront ainsi décider de grève de la faim collective. Ouais, il y en aura plusieurs. Hein. Oui, dans leur esprit, ces grèves de la faim sont le moyen ultime de lutter. Ils appellent ça la force par la faiblesse. Ils savent parfaitement qu'ils risquent d'en mourir. En espérant que leur mort provoquera un choc dans l'opinion. Et mobilisera leurs partisans. Et c'est ce qui va arriver. Malgré la tentative des autorités pénitentiaires de les nourrir de force ou de les priver d'eau pour les forcer à renoncer, l'un d'eux, un certain Mainz, meurt en octobre 1974. La riposte est immédiate. Des émeutes éclatent, des bâtiments officiels sont incendiés, des bombes sont posées et un haut magistrat berlinois est assassiné à son domicile. Vengeance. Et maintenant, les membres de la fraction Armée Rouge, sans doute à l'instigation de Bader, vont adopter une autre tactique afin d'obtenir la libération de leurs camarades détenus. Une autre tactique, c'est-à-dire ? La prise d'otages. Tandis que les prisonniers abandonnent leur grève de la faim, un dirigeant démocrate chrétien est enlevé en février 1975. Les ravisseurs demandent la libération des membres de la fraction Armée Rouge. Désemparé, le gouvernement socialiste d'Helmut Schmidt décide de céder en partie. 5 terroristes sont libérés et ils sont immédiatement conduits dans un avion qui s'envole pour le Yémen. Oui, mais parmi eux ne se trouve aucun des chefs historiques. Hein. Non, le pouvoir n'est pas allé jusque-là. Toutefois, constatant la faiblesse de l'État fédéral, les terroristes s'enhardissent. Et quelques semaines plus tard, le commando Mainz, du nom de cet homme mort à la suite de sa grève de la faim, prend d'assaut l'ambassade d'Allemagne à Stockholm. Il s'empare d'une vingtaine d'otages parmi le personnel diplomatique et exige la libération de tous les militants emprisonnés. Y compris les chefs de la bande à Bader. Oui, oui. Oui. Le gouvernement allemand peut-il céder cette fois? Difficile. d'autant qu'il est violemment pris à partie par l'aile la plus droitière de la démocratie chrétienne qui accuse les socialistes de sympathiser avec les terroristes. D'autant aussi qu'une importante consultation électorale doit avoir lieu quelques jours plus tard. Schmitt fait donc le choix de la fermeté. Et oui, il demande au gouvernement suédois de prendre toutes les dispositions pour se rendre maître de l'ambassade. Et autant vous le dire, à Stockholm, on est bien embarrassé. On a même proposé aux membres du commando de leur donner des sauf-conduits pour quitter le pays. À condition de sortir de l'ambassade. Ah, évidemment, hein. Mais les terroristes ne veulent rien savoir et fixent même un ultimatum. Ils tueront un otage toutes les heures si on ne satisfait pas leurs revendications. Et lorsqu'on entend des coups de feu à l'intérieur de l'ambassade, les policiers suédois se décident à passer à l'attaque. Un otage a été effectivement tué ? Oui, mais un conseiller commercial. Et quand les preneurs d'otages découvrent que l'assaut a commencé, ils font exploser des bombes incendiaires qui mettent le feu à une aile de l'ambassade. Résultat, les terroristes sont pris à leur propre piège. L'un d'eux meurt de ses blessures et d'autres sont gravement brûlés. Mmh. Que deviennent-ils ? Malgré leurs blessures, ils sont extradés et remis aux autorités de Bonn. C'est donc là un échec pour la fraction armée rouge. Incontestablement. Et dès lors, les terroristes de la bande Abadère ne pourront plus échapper à leur procès. Un procès qui va faire l'objet d'un luxe de protection incroyable. Pour l'occasion, on a construit à proximité de la prison de Steinheim, où sont enfermés les accusés, une véritable forteresse de béton et d'acier, pourvue de systèmes d'écoute et éclairée de jour comme de nuit. En outre, des centaines de policiers et de tireurs d'élite ont été mobilisés. On a même installé des canons de DCA. La crainte d'une offensive des amis de Bader et des autres pour libérer leurs amis. Bien sûr. Mais évidemment, ils ne pourront rien tenter quand le procès commence, un procès prévu pour durer de longs mois, peut-être même 3 ans, les accusés apparaissent très diminués. En outre, beaucoup d'avocats soupçonnés d'être des complices sont récusés par le tribunal. Ces avocats qui ont fait passer les messages de Bader. Oui, dont un certain Klaus Croissant, dont on reparlera. Ouais. Malgré cette dégradation physique et psychologique, Bader et les siens sont déterminés. Ils ne renient rien de leurs actions et ne se privent pas d'attaquer ces juges qu'ils ne reconnaissent pas. Un de leurs avocats, Otto Schilly, accuse même la cour d'avoir programmé non seulement le verdict, mais aussi l'exécution en secret des chefs de la bande Abadère. Otto Schilly qui est aujourd'hui le ministre de l'Intérieur du gouvernement Schröder. C'est juste, oui. Et cette accusation, elle est extrêmement grave. D'autant que peu de temps après, Ulrich Meinhof est retrouvée morte dans sa cellule en mai 1976. Elle s'est suicidée ? Apparemment, elle s'est pendue en utilisant comme corde une serviette de toilette déchirée en plusieurs morceaux. Vous avez dit apparemment, hein ? Forcément. Après les accusations de Schilly, on peut se poser des questions. Et à votre avis, alors ? Bon, franchement, je crois vraiment qu'elle a choisi de se donner la mort. Et peut-être que Schilly, paradoxalement, a hâté sa décision d'en finir avec la vie. Parce qu'il a aussi ajouté, je m'en souviens maintenant, c'est comme si on avait édifié un échafaud en face du tribunal avant même le début du procès. En outre, il faut aussi tenir compte de son état de délabrement. La jeune et jolie journaliste à la mode était devenue une épave ruinée par les mauvais traitements et ses grèves de la faim. À l'extérieur, est-ce que les membres de la fraction armée rouge réagissent là ? Tout de suite, oui. Dès le mois de juin, une bombe fait plus d'une dizaine de blessés au quartier général américain de Francfort. Et quelques mois plus tard, en 1977, un commando Meinhof assassine le procureur général de la République fédérale et deux de ses collaborateurs. Manifestement, l'Allemagne n'en a pas fini avec la violence, même si plus d'une vingtaine de terroristes sont sous les verrous. Et la mort d'Ulrich Meinhof ne fait rien pour apaiser les esprits, bien au contraire. Oui, parce qu'on en a fait une victime. Obligatoirement. Et une martyre de la cause. Ouais. Et quand un an et demi plus tard, Gudrun Enslin et Andrea Bader seront aussi retrouvés morts dans leurs cellules, on ne pourra pas s'empêcher de se poser de graves questions. Ouais, suicidés ou assassinés. Bien entendu. Mais si vous voulez, on en reparlera dans un prochain entretien. Un mot, quand même, avant d'en terminer là pour aujourd'hui. Un ministre ouest-allemand commentant la mort des 3 chefs historiques de la fraction armée rouge osera dire « On peut pousser la perfidie jusqu'à faire de son suicide une exécution ». Une déclaration aussi cynique ne pouvait pas contribuer à désarmer les héritiers de Bader. Et cet automne 77 verra l'apogée de la violence en Allemagne. À l'image de la fraction armée rouge, les brigades rouges ont aussi sévi en Italie. Dans son livre « Société et terrorisme », l'historien Michel Vieviorca tente une comparaison entre ces deux pays qui ont connu, avant-guerre, des régimes dictatoriaux, et ce n'est peut-être pas un hasard. L'État italien semble longtemps impuissant à retenir un processus qui s'emballe. Ses réponses sont incohérentes. Ferme ici, laxiste là. Là où la répression s'active, elle ne fait que renforcer un sentiment d'injustice. L'État couvre d'immenses scandales, mais dit-on, à gauche ou à l'extrême gauche, il s'en prend aux avant-gardes révolutionnaires, sincères et animées par une cause juste. Là où la répression s'avère inopérante, elle encourage des pas supplémentaires dans la rupture. L'État allemand n'a-t-il pas, lui aussi, été incapable d'endiguer le terrorisme qu'il a peut-être même stimulé par la vigueur de son intervention? En appelant à la délation, en créant un climat isolant les terroristes de secteurs qui auraient pu les soutenir, ou du moins les considérer avec sympathie, en transformant par des conditions de détention à la limite de l'inhumain les détenus de la fraction armée rouge, en martyrs, en développant un quadrillage policier systématique, bref, en imposant son ordre avec vigueur, il a aussi contribué à maintenir de quoi alimenter et perpétuer la lutte armée dans certaines franges, aussi limitées qu'elles soient, d'une jeunesse en rupture. Ce qu'il a gagné en isolant les protagonistes de la violence, il l'a perdu en renforçant le caractère rupturiste de leur action.